BD, la flirte à nous emmerder. Sauf que c'est lui à piquer, pas se faire chier. Dans la carrette, pas de saouler, alors la pas compliqué. Faut pas te gêner, t'as qu'à dire, pas te faire enculer. Et les pétards de mes deux, alors si tu t'es de deux, les cartes de cul, bordel, matin, j'ai rien bouffé. Dans la carrette, pas de saouler, alors la pas compliqué. Faut pas te gêner, t'as qu'à dire, pas te faire enculer. On va se faire péter la main du cul.